et sur les rumeurs. D'accord. Étant donné que ce sont des mots que les enfants emploient fréquemment. Ah oui. C'est des mots qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, puisqu'ils sont adeptes des réseaux de plus en plus jeunes. Oui. Donc, je trouvais intéressant que cette thématique soit développée dans ce cadre de goûter art et philo. Super. Qu'est-ce que ça développe chez l'enfant de participer à ce genre d'animation ? De leur donner la parole. Oui. De répondre à des questions qui peuvent se poser. Et puis de développer leur sens critique. Oui, ça c'est important. Puisque c'est important qu'ils avalent pas les informations telles quelles, qu'ils cherchent à voir d'où viennent ces informations afin de savoir si elles sont vraies ou pas, qui les a mis en ligne. Enfin voilà, c'est tout des problématiques très actuelles. Et voilà, c'est vraiment l'idée d'aborder toutes les questions proches de leur environnement, quoi. D'accord. Et à partir justement d'œuvres contemporaines, puisque le support d'image est important. Oui. Sachant que l'image, ben, fait partie aussi du quotidien de toute cette génération. Et avec des notions, alors entre guillemets philosophiques, hein, ça va pas non plus dans des choses très pointues, oui, mais quand même réfléchir à voilà des notions simples de philosophie. C'est très intéressant en tout cas. Voilà, oui, tout à fait. Alors, ça se passe donc le mercredi 11 mars à la à la médiathèque du Val d'Ajol. Mm-hmm. C'est ça, de 15h à 16h30. À 15h. Voilà. Voilà. Donc ça s'adresse aux enfants de 7 à 11 ans et c'est sur réservation. Sur réservation parce que pour la qualité de la rencontre, on souhaite un groupe d'une quinzaine de personnes. D'accord. 15 enfants. On nous demande aussi que les adultes ne soient pas présents. D'accord. C'est-à-dire que les parents n'accompagnent pas les enfants pendant la discussion pour vraiment leur donner la parole, qu'il n'y ait pas d'intervention autre. Voilà. D'accord. Les parents peuvent nous rejoindre, bien sûr, à l'occasion de goûter. Hein. Voilà, il y a un goûter. Donc, voilà, il y a un goûter qui est important parce que c'est la suite de l'ange. Et en général, on fait correspondre le contenu du goûter, on va dire, avec la thématique. Ah. Donc, il y a des fois des petites surprises. C'est intéressant. Voilà, il y a un visuel qui est toujours proposé par le centre d'art. Donc, cette année, c'est la Renade. Oui. Hein? Donc on essaye un petit peu de, et puis sur la thématique aussi de vrai du faux, voilà, qu'est-ce qu'on va manger qui peut c'est aussi une petite d'accord, une petite surprise qui est présente, c'est que le goût correspond à la thématique aussi, ça va jusqu'au bout du concept, on va dire. Ah bah c'est bien, donc voilà. C'est sur réservation directement à la médiathèque au 0329 à la médiathèque, voilà, 0329 22 50 01. Voilà, tout à fait. Voilà. Et bien, les personnes n'hésitent pas à nous contacter pour avoir des renseignements. D'accord, super. C'est bien noté. Ben, merci beaucoup, Monique, pour toutes ces informations. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir donné la parole et puis à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Bonne journée. À vous aussi, bonne journée. Au revoir. Voilà pour cet atelier philo. Allez, tout de suite, on fait une première pause musicale avec la chanteuse Lisa Loeb et son titre « Stay, I Miss You ». You say I talk so Sur RGM, presque 8h42, on parle anniversaire. Ils sont nés un 11 mars 1950, naissance de Jerry Zucker, producteur, réalisateur, scénariste américain à qui l'on doit Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Y a-t-il un flic pour sauver le président ? Et y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? 1960, naissance de Christophe Gans, réalisateur français à qui l'on doit Le Pacte des Loups, Silent Hill ou en 2014, La Belle et la Bête. 1961, naissance d'Elias Kotas, acteur canadien vu dans La Ligne Rouge dans le rôle du capitaine James Staros, shooter, tireur d'élite, L'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Monsieur Gâteau et à la télévision dans Chicago Police Department dans le rôle de l'inspecteur Alvin Olisky ainsi que dans Chicago Fire. C'est également l'année de naissance d'Éric Nolot, animateur télé français, éditeur, écrivain ou encore critique littéraire. 1962, naissance de Jeffrey Nordling, acteur américain, vu dans la série 24 heures chrono dans le rôle de Larry Moss, Desperate of Zeus dans le rôle de Nick Bullen, Arrow ou encore Esprit criminel. 1964, naissance de Peter Berg, réalisateur américain qui l'on doit Hancock ou encore Battleship. 1967, naissance de John Barrowman, comédien écossais, vu dans la série télé Titan dans le rôle de Peter Williams, Torchwood dans le rôle du capitaine Jack Harkness, Arrow dans le rôle de Malcolm Merlin ainsi que dans les séries Flash ou encore Legend of Tomorrow. 1968, naissance de Lisa Loeb, chanteuse américaine. 1969, naissance de Terrence Howard, acteur américain vu dans Big Mama, Ray, Iron Man dans le rôle du colonel James Rhodes, le majordome dans le rôle d'Howard, la série télé Los Angeles Police Judiciaire dans le rôle du substitut du procureur Jonah Decker, Hawaii 5-0 ou encore la série Empire dans le rôle de Lucius Lyon. 1975, naissance d'Arnaud Samer, comédien humoriste français découvert dans l'émission télé On ne demande qu'à en rire. 1978, naissance de Didier Drogba, ancien footballeur ivoirien ayant fait carrière de 1998 à 2018 en jouant à Le Mans, Guingamp, Marseille, Chelsea, Shanghai Shenhua, Galatasaray, de nouveau à Chelsea, à l'Impact de Montréal, et il a terminé sa carrière en jouant pour l'équipe de Phoenix Rising. 1979, naissance de Benji Madden, guitariste du groupe Good Charlotte, et de son frère jumeau Joel Madden, chanteur du groupe Good Charlotte, qu'on écoute dans quelques minutes. On fait tout de suite un point sur les sorties cinéma, comme tous les mercredis. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de films, hein. Aujourd'hui, on commence avec une comédie. La Bonne Épouse de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau ou encore Noémie Lvovsky. Autre film, Vivarium, science-fiction, thriller de Lorcan Finnegan avec Jesse Eisenberg, Imogen Poots ou encore Jonathan Harris. Autre film, Radioactive, biopic, drame de Marjan Satrapi avec Rosamund Pike, Sam Riley ou encore Anne-Rine Barnard. Et enfin, dernier film, Une sirène à Paris, drame fantastique de Mathias Malzieu avec Nicolas Duvauchel, Marilyn Lima ou encore Rosie Despalma. Allez, tout de suite, on fait une petite pause musicale avec le groupe Good Charlotte et leur titre The Anthem. But everything at all just feels the same. At my high school, it felt more to me like a jail cell, a penitentiary. My time spent there, it only to my time. I don't step while they all get in line. I'm just a minor threat, so pay no mind. Do you really wanna be like them? Do you really wanna be another trend? Do you wanna be part of that crowd? Cause I don't ever wanna be you. Don't wanna be just like you. Oh, what I'm saying is this is the anthem. Throw all your hands up, you. Don't wanna be you. Le groupe Good Charlotte sur le 107 FM, un peu plus de 8h48, on parle météo. La météo. Alors, pour la météo, ce sera des nuages et de la pluie, des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 13 et 15 degrés pour cet après-midi. Jeudi, de la pluie également, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 13 et 14 degrés prévues pour jeudi après-midi. Vendredi, soleil avec des nuages, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 10 et 11 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Alors, le sport toujours impacté par l'épidémie de coronavirus. En football féminin, le tournoi de France, le match France-Pays-Bas, s'est joué à huis clos. C'était bien silencieux. Les Françaises ont réussi à décrocher le match nul face aux Pays-Bas. 3-0. La France remporte ce tournoi de France. En Ligue des Champions, Leipzig s'est imposé 3-0 face à Tottenham et Atalanta s'est imposé 4-3 sur la pelouse de Valence. Ce soir, match à huis clos pour le Paris Saint-Germain qui reçoit en match retour l'équipe de Dortmund. Ce sera sûrement sans Kylian Mbappé, malade. Il y aura également ce soir Liverpool Atlético Madrid. A noter que le match retour Juventus Olympique de Lyonnais se jouera à huis clos également. En huis clos pour la Ligue 1 jusqu'au 15 avril prochain. Huis clos également pour les matchs amicaux de l'équipe de France masculine qui devaient avoir lieu, qui auront lieu fin mars. Ceux qui avaient déjà acheter leurs billets pourront bien évidemment se faire rembourser. Un mot de basket en Pro B, Nancy s'est incliné à Sachamon 86-83. En NBA, l'équipe de Brooklyn de Luaoka Barro s'est imposée cette nuit face aux Lakers de Los Angeles 102-104, 13 points pour le français. L'équipe d'Orlando s'est imposée à Memphis mais sans Evan Fournier, blessé au coude. L'équipe de Phoenix de Okobo s'est inclinée face à Portland. À noter que le français n'a inscrit aucun point et qu'il a joué seulement 1 minute 34. Il y avait également Washington face à New York. Washington avec Miami, enfin normalement, mais il n'a pas joué cette nuit, s'est imposé 122-115 face à l'équipe de New York de Tilikina, pourtant à 20 points. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs de la Ligue Magnus. À huis clos également, la patinoire de Cergy Pontoise était désertique, un silence de cathédrale. Et heureusement qu'ils ont repris ces quarts de finale, puisque dans le match numéro 6, Mulhouse s'est imposé hier soir 4-3 face à Amiens. Les deux équipes sont donc à égalité. Il y aura bien un match 7, ce sera ce soir, toujours à la patinoire de Cergy Pontoise. En ce qui concerne les playoffs de l'AD2, Épinal se déplace à Villard-de-Lans ce week-end pour disputer le match numéro 1 de ses demi-finales. Et bien, le club de Villard-de-Lans a communiqué hier, les places seront limitées à 900. Donc voilà, ceux qui veulent assister à cette rencontre, et bien, ils ont intérêt à se dépêcher pour avoir ce précieux sésame. En ce qui concerne le match 2 de retour à la patinoire de Poissonprez le samedi 21, pas d'informations complémentaires pour l'instant. On termine l'actualité sportive avec du biathlon, l'étape de Kontiolahti en Finlande qui débute, on est quelle journée, mercredi, qui débute demain. Sauf changement de dernière minute, eh bien, le public pourra bel et bien assister aux épreuves de cette semaine. En revanche, en ce qui concerne la dernière manche de Coupe du Monde qui aura lieu la semaine prochaine à Oslo, donc en Norvège, grosse incertitude car les autorités norvégiennes ont interdit les événements de plus de 500 personnes. Et selon l'IBU, il y a 631 personnes enregistrées, c'est-à-dire 283 athlètes. Et les 348 personnes enregistrées autres, c'est le staff, les coachs, les techniciens et autres, puisqu'il y a beaucoup de monde derrière les athlètes. Donc voilà, pour l'instant, l'IBU a mis un message sur les réseaux sociaux très tôt ce matin en disant que c'était en attente des autorités pour savoir comment ça allait se passer, si l'étape à Oslo pourrait avoir lieu ou si malheureusement elle est annulée. Et du coup, l'étape de Kontiolahti serait la dernière manche de Coupe du Monde. Voilà. Là aussi, affaire à suivre, on vous tient bien évidemment au courant pour les fans de biathlon. Allez, tout de suite, on va marquer une dernière pause musicale et on va rendre hommage à Claude François qui nous a quittés en 11 mars, c'était en 1978. Et on va s'écouter le titre Alexandrie, Alexandra. Les filles, parc sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Sirène du port d'Alexandrie, chante encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de la jeunesse. Sur les filles et partout sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Alexandra, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Oh, Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandra. Oh. Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Sirène du port d'Alexandrie, chante encore la même mélodie. Oh, la jeunesse. Voile sur le pays, barque sur le Nil. Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Dans le même temps, Alexandra, Alexandra, ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Claude François, Alexandrie et Alexandra sur RGM. Presque 8h58, c'est l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 10h. On se retrouve en direct avec les Jeunes de l'IME de Saint-Amé à midi et demi, spécial municipal 2020. Aujourd'hui, RGM reçoit monsieur Michel Demange pour poursuivre ensemble. 13h30, ce sera la rediffusion de la chronique d'Amadou et 20h, Nothing But The Blues. Quant à nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous. Bye bye.